peux plus écrire des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien. Merde. Si je suis encore là, c'est sûrement parce que l'enfer est plein. C'est pas de la mauvaise volonté, franchement. Je m'y verrais bien, je profite du temps présent qui reste en 10 ans. J'ai des trucs mal, du coup, je m'y mets à fond en visant les trous de balle, alors je viens vous la foutre en vous souhaitant la bienvenue. Gentiment ou peu importe, façon, je vais vous la mettre dans le cul. Bien profond, juste au bord. Si tu vois pas le rapport, je te ferai voir tes corps vite fait comme un gros porc. PD, j'suis pas dans la tendance, non j'suis hors piste. Et puis si ça te fait chier, attends, j'suis prêt à faire encore pire. Mon humeur est tendance, si j'crois que c'est mon étendard. Putain, c'est bizarre, j'pense à des connards pendant que j'chie. J'suis malsain, c'est pas nouveau ce qu'il est, c'est dead corps. Politiquement incorrect et noir comme Edgar Poe. Trop déçu d'avoir eu tort. Et si peu fier d'être humain, ils ont des teints sur moi, j'peux plus écrire des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien, des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien, des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien, des trucs bien. Voici le rap qui sert à rien. Le rap qui t'accueille dans un monde un peu merdique, prêt à te baiser ta gueule. Un 46 pour te poter les fesses et un autre dans le cercueil. Les jambes gonflent, j'écris des trucs sales parce que je me sers d'eux. Alors je viens vous la foutre à mort dans l'anus. Ça serait abusé de faire rimer ça avec Jesus. Oui mais merde, c'est bien toi qui jouis hein. Quand sur la FM tu peux entendre des MC qui font du bruit avec rien. Alors j'arrive pour péter le fion, dégueulasse musique, lyrics s'enrichit à la chiasse, esquisser un sourire. J'suis quand même pas le pire, c'est pas moi qui écoute Sky avec mon cœur qui palpite. C'est sûr c'est pas moi qui trafique et qui déboule du ciment. J'ai un peu de vocabulaire, j'ai pas du balbutiement. J'm'attaque toujours au même, la cible est si facile, j'suis insensible. Parce qu'écrire des trucs bien m'est impossible. Je peux plus écrire des trucs bien, des trucs bien, des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien, des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien, des trucs bien. Je peux plus écrire des trucs bien, des trucs bien, des trucs bien.